frisson, un vertige, l'émotion doit être intense. Mais que ressent-on exactement quand dans la pénombre d'une grotte, on découvre une fresque peinte par des hommes il y a plus de 17 000 ans? Qu'éprouve-t-on en pénétrant dans la salle des taureaux de la grotte de Lascaux, en contemplant les parois ornées de la grotte Chauvet-Pont-d'Arc ou en caressant du regard les gravures magistrales de la grotte de Cussac? Jean-Michel Genest est l'un des rares privilégiés à pouvoir répondre à ces questions. Archéologue, spécialiste de l'art préhistorique, il a été conservateur de la grotte de Lascaux et il a coordonné les recherches dans celle de Chauvet. Il est aussi allé à la découverte de l'art pariétal sur d'autres continents, de la Colombie-Britannique à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en passant par l'Altaï et l'Australie. Que lui ont appris ces explorations souterraines? Qu'est-ce que ces œuvres d'art laissent entrevoir des hommes et des femmes qui les ont réalisées? Jean-Michel Genest livre le fruit de ses recherches et de ses réflexions dans un ouvrage coécrit avec l'archéologue Boris Valentin, intitulé « Si loin, si près, pour en finir avec la préhistoire » aux éditions Flammarion. Et cet après-midi, il nous emmène avec lui en excursion dans les plus belles grottes ornées de France et d'ailleurs. Et en toute fin d'émission, nous nous intéresserons à des dessins plus contemporains, ceux de Marion Montaigne. Elle signe le 5e tome de sa bande dessinée « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même » qui allie toujours avec autant de brio, science et humour. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Et maintenant, nous allons nous avancer dans la grotte. Elle est là devant nous, comme je vous l'ai dit, en forme de rotonde. C'est une rotonde de chaos rocailleux, de pierres de couleur ocre dans l'ensemble, un peu argileuse. Et sur ces pierres, sur ces parois rocheuses, des fresques de peinture absolument étonnantes, je devrais dire, vraiment abasourdissantes de vérité et de conservation. Voici ici un auroque peint en noir et en rouge, poursuivi par des chevaux. Je m'approche d'une autre fresque un petit peu plus loin qui représente des cerfs d'un délié et d'une finesse extraordinaire. Voici un combat de rennes, là. Voilà des gravures dans la pierre également. Mais ce qui est vraiment fantastique, c'est la conservation et la pureté des traits de tout cela. On dirait vraiment que cela a été peint il y a 40 ou 50 ans. Et si dans quelques milliers d'années, lorsqu'on retrouvera ces figures, lorsqu'on retrouvera ces fresques qui seront certainement aussi bien conservées que maintenant, et que l'on retrouve également en même temps quelques débris de céramique de certains peintres fameux d'aujourd'hui, en comparant les deux, est-ce qu'on ne pourra pas se demander où est la vraie préhistoire et où est la vraie civilisation? Bonjour Jean-Michel Genest. Bonjour. Nous venons d'entendre le journaliste Michel Droit, subjugué par les peintures de la grotte de Lascaux en 1948, l'année de son inauguration. Vous aussi, Jean-Michel Genest, vous avez eu un véritable choc quand vous avez visité pour la première fois la grotte de Lascaux. Vous vous souvenez précisément de ce moment, de ce que vous avez ressenti? Certainement. Alors, ce n'était pas en 1948, puisque je suis né en 49. Mais j'étais étudiant, je pense, je devais avoir 17 ou 18 ans. Et ça a été vraiment un choc. Ces chocs dont on parle sont provoqués par une tension entre l'intérêt intellectuel et l'émotion d'une découverte scientifique, et en même temps l'autre type d'émotion, ce que l'on ressent au fond de ses tripes lorsqu'on est confronté à des œuvres d'art de ce type-là qui sont à la fois fulgurantes et qui ne sont pas inscrites dans un temps particulier, qui sont hors du temps. En fin de compte, comme tout l'art, il n'a pas d'âge. Ouais. Quelles sont les couleurs et les formes qui vous reviennent en mémoire instantanément quand vous pensez à Lascaux? Lascaux, c'est cet immense contraste qu'il y a sur la paroi blanche et calcitée entre des contours de taureaux noirs dessinés avec un charbon de manganèse qui est épais, qui est pâteux et qui est obscur, l'œuvre est opaque. Et puis après, les couleurs rouges et jaunes qui sont soufflées à la bouche des chevaux et des cerfs qui sont jaunes, orangés, de ton ocre au plus clair, jaune pâle. Et c'est cet immense contraste entre des formes de tailles différentes et de textures et techniques complètement différentes, des contrastes opposés. Et puis il y a ce plafond à Lascaux, vous en parlez très bien dans votre ouvrage « Si loin, si près » chez Flammarion, ce plafond, vous le comparez au plafond de la chapelle Sixtine. Hein. Bah, vous dites « j'assume l'analogie ». L'analogie, elle a un auteur, ce fut Henri Breuil. Et effectivement, alors cela est dû à une volonté de mise en scène, une volonté d'aller rechercher la paroi qui sera la plus porteuse et la plus susceptible d'honorer les capacités créatrices des artistes. Et là, ils ont choisi une paroi la plus blanche possible, et surtout, ils l'ont choisi plafonnante partout. C'est-à-dire que dans la rotonde, vous êtes pris par le tournoiement de grandes figures qui tournent autour de votre tête. Quand on avance dans le diverticule axial, il faut vraiment lever la tête, se tordre le cou pour regarder en l'air. Dans cette position particulière, on est effectivement dans une position d'adoration. Et puis là, il y en a partout. C'est-à-dire que les œuvres sont flottantes dans l'espace, elles ne sont pas ancrées sur un sol, et elles sont au-dessous de vous. Et là, la proximité, la comparaison avec la Sextine s'impose d'une certaine manière. Pour vous, il n'y a pas de doute, les hommes et les femmes qui ont fait ces représentations avaient envie de positionner les animaux en position dominante. Je suis pas le seul, je crois, à le penser. Beaucoup de préhistoriens, d'anthropologues et d'artistes ont remarqué cette singularité qui vous met dans une psychologie très particulière. Il est évident qu'à Lascaux, les animaux ont été positionnés, en tout cas dans l'entrée, pour dominer le spectateur, pour lui imposer quelque chose. Et c'est à ce titre-là qu'ils paraissent si abstraits, si flottants, évanescents. Ils obéissent à des règles extrêmement scrupuleuse. Bien sûr qu'il y a des équivalents de sol pour leur donner une réalité. Mais en même temps, ils sont tellement épurés, ils ont des formes tellement stylisées, ils sont associés à un nombre tellement important de signes abstraits que l'abstraction surprend. Elle est particulièrement forte. On est dans un art qui est naturaliste, mais on n'est pas dans une quelconque réalité. On n'est pas dans une structure narrative du matériel, ouais, du quotidien. Quelle difficulté pour vous, hein, l'archéologue. Vous avez commencé par les champs de fouilles avec de la matérialité, les bifaces, les aiguilles en os, et tout d'un coup, vous tentez d'accéder à l'immatériel, à l'impalpable, à l'invisible. L'inconnu est un attrait incroyable. Et si j'ai commencé par étudier la culture matérielle, c'est parce qu'il y a effectivement énormément de richesses d'informations. Cette matérialité livre ses secrets. Lorsqu'on est dans des œuvres qui vont être plus immatérielles, même si elles ont une structure et une réalité technique sur leur support, on a cette sensation d'être devant la pensée d'êtres et de sociétés disparues, mais devant la pensée nue. Qu'est-ce que l'œuvre graphique nous raconte du passé, nous témoigne? Alors, Lascaux a été découverte en 1940. 8 ans plus tard, elle était ouverte au grand public. Et on le sait, ça a fait de nombreux dégâts. Aujourd'hui, elle est fermée, cette grotte, hein, vraiment dans l'obscurité. On essaye de la préserver au maximum. Par la suite, les erreurs faites avec Lascaux n'ont pas été reproduites. Par exemple, ça s'est passé très différemment pour la grotte ornée de Cussac. Elle se situe à une 40aine de kilomètres de Lascaux. Elle a été découverte beaucoup plus tardivement, à la fin de l'année 2000. C'est une grotte moins connue, mais tout aussi importante que Lascaux ou Chauvet, dont on parlera un peu plus tard. Quelques mois après sa découverte, le 3 juillet 2001, une dizaine d'experts internationaux, dont vous faisiez partie, Jean-Michel Genest, ont été autorisés à pénétrer dans la grotte de Cussac pour la première fois. Et leur réaction à la sortie était éloquente. Ça, c'est fabuleux. On a encore ce coup de l'émotion. Enfin, on est à quelque chose de bien, mais à ce point-là, c'est vraiment exceptionnel, je crois. C'est un grand moment pour nous, ça. Oui, c'est plus étonnant encore que tout ce qu'on a pu imaginer. Des très grandes figures, une netteté de traits, une profondeur de traits et une sûreté de traits qu'on a rarement vu ailleurs. Et jamais avec une telle densité, une telle force d'expression. Il semble que ce soit des caractères de Cussac, que ce jeu avec la courbe, avec le trait, que l'on retrouve dans le traitement des dos, traitement des têtes également. On ne sait plus, c'est complu même à détailler les naseaux, la bouche, etc., à exagérer les circonvolutions. Il y a vraiment un traitement de l'arabesque, du trait qui est tout à fait particulier à cette cavité. Il y a un panneau qui est assez gigantesque, qui fait 27 mètres de long, ce qui est tout à fait étonnant. Tout couvert de gravures, puisque c'est la gravure qui est exclusive quasiment dans cette grotte. C'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent, tel qu'on peut la comparer à rien. Ce sera le style Cussac. qu'avez-vous vu dans cette grotte de Cussac, Jean-Michel Jeunesse, qui n'a jamais été ouverte au public, pour le coup ? Non, elle est d'une telle fragilité. Les œuvres y sont non pas peintes, dessinées, mais ils sont gravés sur une paroi dans le calcaire, sur un calcaire qui est altéré depuis très longtemps. Donc elles sont dessinées avec une grande souplesse sur une paroi molle. Et à ce titre-là, elles sont extrêmement puissantes parce que vous entendez, j'entendais à nouveau mes amis et collègues décrire la finesse, la souplesse, le délié du tracé des courbes, quelquefois de gigantesques animaux, parce que les artistes ont marché en suivant la paroi et en dessinant les animaux. On y a vu les animaux qui ont constitué le thème dominant, qui sont des chevaux et des aurochs. Et quelques représentations féminines très esthétiques et très singulières. On y voit aussi quelques représentations d'oiseaux, qui sont des formes assez rares. Et elles sont en fait sur ce fond de grotte qui est brun. Le calcaire apparaît en beige. Donc ce sont des œuvres gravées avec un trait assez large, clair sur un fond brun. Et cela est très émouvant. Mais pour moi, Cussac, ça restera une cavité qui semble avoir été intentionnellement fermée après avoir été ornée, et surtout elle contient environ entre 5 et 10 individus qui ont été inhumés il y a 25 000 ans. Donc c'est la première grotte sépulcrale, non pas que l'on découvre, mais qui nous soit transmise aujourd'hui dans un aussi bon état de conservation, et cela est encore plus émouvant que de découvrir de l'art seul. C'est-à-dire que là on a de l'art qui a accompagné des individus vers un au-delà, probablement. Cussac, c'est un tombeau ? Cussac, c'est l'équivalent d'un sépulcre qui a été intentionnellement fermé. Et quand je dis intentionnellement, parce que les deux extrémités, à l'évidence, ont été parcourues, on y a des traces de visite. Et l'amoncellement de pierres à l'entrée, découverte par Marc Deluc, l'inventeur, laisse penser qu'elle a été intentionnellement fermée. En outre, on a des squelettes d'ours qui sont accumulés. Bref, probablement, l'intention de la fermeture a été pour protéger ces corps déposés de l'action des carnivores. Et on est 25 000 ans en arrière, c'est-à-dire que ça nous dit très clairement quelque chose de la relation à la mort de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu là, il y a 25 000 ans. Bien entendu, juste faut-il rappeler que cette attention à la mort existe pas seulement chez Sapiens, elle est présente chez l'homme de Néandertal. On a de nombreuses sépultures qui sont tellement bien conservées que la plupart d'entre elles correspondent à des inhumations intentionnelles avec des protections et quelquefois des offrandes. Donc cette attention a donné un autre lieu de vie à des morts, dans la perspective d'une croyance en un au-delà, est présente depuis longtemps. Oui, les scientifiques ont attendu, avant justement de fouiller les sépultures, ils ne se sont pas du tout précipités, plusieurs années avant d'y toucher. C'est par respect, c'est par peur de peut-être abîmer de façon définitive ces sépultures qui avaient traversé les âges. Aujourd'hui, l'empressement n'est plus de règle. Pour la grotte de Cussac, elle a été protégée, on a enregistré très méticuleusement les témoignages, les impressions de tous ceux qui ont visité. Vous nous en avez fait écouter quelques-unes. Et on prend le temps de se préparer à la recherche. On prend le temps de la gestion, de la naissance, de la composition d'une équipe scientifique, de ses objectifs, avant de réunir aussi les moyens et de lancer une recherche. Et c'est ce qui s'est passé à Cussac. Ce sont aussi les années qu'il faut aujourd'hui attendre avant de démarrer une recherche après une importante découverte. Ouais, nous aussi, nous allons prendre le temps avec vous, Jean-Michel Jeunesse. Nous poursuivons notre visite des grottes ornées. Nous allons remonter plus loin dans le temps en explorant la grotte Chauvet-Pont d'Arc dans un instant. Avec vous, Jean-Michel Jeunesse, qui connaissait particulièrement bien la grotte Chauvet. France Inter, du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Je suis l'amour sorcier. Gué, gué, gué. Ma tête est oiseau. Gué, gué, gué. Je suis l'amour sorcier. Gué, gué, gué. Mon corps est taureau. Gué, gué, gué. Suis fait moitié, moitié. suis l'amour sorcier. Gué, gué, gué, j'ai ce qu'il vous faut. Gué, gué, gué, pour vous désaltérer. Gué, gué, gué, me ferez ruisseau. Gué, gué, gué, et je m'en l'amour sorcier. Gué, gué, gué, ma tête est oiseau. Venez à moi, venez par milliers, la terre et le ciel, on va les marier. Mais je vous fais peur et vous préférez lancer vos sagues, lancer vos sagues. L'amour, c'est pas sorcier. Oh! L'amour sorcier, c'était Claude Nougaro. France Inter. C'est un vrai petit homme des cavernes. Hein. Le Cro-Magnon est envers sa hutte. Du vent dans les synapses. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Daniel Fiévé. À flanc de falaise, la première étape à franchir pour eux, c'est une porte blindée à l'entrée de la cavité. Digicode, système de sécurité biométrique, détecteur de présence, près de 10 caméras, dont une caméra infrarouge. Certaines bien visibles, d'autres cachées. La grotte est sous très bonne garde. Autre étape obligatoire, le sas de sécurité. Chaque visiteur doit y enfiler une combinaison blanche, à usage unique, ainsi que des chaussures adaptées, un baudrier et un casque de spéléologie. Enfin, la descente sous terre, dans un puits d'une dizaine de mètres. Aucun visiteur ne doit quitter les passerelles métalliques. Interdiction de marcher sur le sol, fragile et recouvert de traces. Dans l'ombre, se devine l'entrée préhistorique, fermée par un éboulement il y a plus de 20 000 ans. Depuis, la grotte est restée intacte. Il faut montrer patte blanche pour pénétrer dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc en Ardèche. Notre invité Jean-Michel Genest fait partie des rares personnes à y avoir eu accès et y avoir passé beaucoup de temps puisqu'il a dirigé le programme d'études de cette grotte pendant de nombreuses années. C'est la grotte ornée la plus ancienne d'Europe connue à ce jour, Jean-Michel Genest. Datée de cette manière, oui, c'est une des plus anciennes. C'est certainement la plus ancienne, mais il y en a certainement d'autres qui ont le même âge, qui sont en cours de datation, qui sont pas datées peut-être avec la même sécurité, oui. Mais elle est pas isolée. On ne s'en rend pas forcément compte, mais entre Lascaux, qui est séparé de nous de 18 000 ans, et Chauvet, qui elle est séparée de 36 000 ans, elle est deux fois plus ancienne, cette grotte. Le temps écrase un peu les perspectives. On n'a pas de notion. En fin de compte, ouais. On n'a pas le notion de la très longue durée parce que d'abord nous avons des vies courtes, donc nos mémoires sont courtes et après nous avons notre documentation qui nous permet d'attester notre ancienneté, écrite ou autre, qui ne remonte pas quand même si loin que ça. Et elle remonte pas en termes de données vécues. En termes de génération, vous voyez, et c'est cela, effectivement, qui fait que les périodes très anciennes sont situées si loin et dans un abstrait difficile à caractériser. Ouais, parce qu'il y a, effectivement, entre Cussac, dont on parlait, qui est situé à moins 25 000, Chauvet, moins 36 000, moins 30 000, et puis, beaucoup plus récente, finalement, Lascaux, il y a des milliers d'années qui séparent les réalisations de ces dessins. Oui, et on a peut-être du mal à identifier les changements de ces sociétés, les changements dans la vie et dans l'existence de ces cultures. Précisément parce que les changements se sont faits peut-être à un rythme moins important. La vitesse du progrès sensible, matériellement sensible, que l'on peut calculer, se fait au prorata de l'interaction interindividuelle. Dans des contextes où la démographie nous dit qu'il y avait quand même des quantités d'humains bien plus basse. Le nombre du million d'individus a été atteint aux alentours de 40 000 ans, peu avant la grotte Chauvet. On avait très peu d'interactions et donc l'évolution, le changement, la source du changement était rare. On a donc une apparente stabilité culturelle dans la culture matérielle, dans les modes de pensée, dans les styles d'art. Mais malgré tout, si on y porte attention et si on étudie en détail, on voit bien les changements qu'il y a et on voit bien surtout la diversité qu'il y a entre les cultures. Oui. Alors vous avez pénétré dans la grotte Chauvet un mois après sa découverte. Hein, elle a été découverte en décembre 1994. Quelle chance, un mois après, vous y aviez accès. Comment est-elle organisée, la grotte Chauvet ? Sa principale caractéristique, elle s'ouvre à flanc de falaise et c'est un couloir qui se bifurque à la fin, qui pénètre directement et qui a environ 450 mètres de développé. Donc vous voyez, c'est un long couloir. Il n'est pas tellement régulier, il est tantôt très haut, tantôt très bas, large, étroit, mais avec de très grandes salles. Bref, il est monumental. Et c'est au long de cette cavité et de ces galeries monumentales que l'art est organisé et qu'il est mis en scène. Et il est mis en scène avec une relative progression qui nous surprend toujours, qui nous interroge. On se demande si on a vraiment l'état final ou si des éléments ont disparu. Ainsi, on a des œuvres plutôt rouges, d'abord ponctuelles, isolées, abstraites au début, puis de plus en plus, comment dirais-je, naturalistes dans leur graphisme. Et enfin, on a des œuvres qui sont plutôt noires, extrêmement émouvantes, réalisées à l'estompe et au fusain dans les parties profondes. Et cette mise en scène avec des zones avec peu d'œuvres, où l'on peut marcher et puis on découvre au fur et à mesure, et puis des grands points nodaux où se situent des très grands panneaux sont plutôt situés vers le fond. On a donc là une mise en scène de l'art que l'on ne retrouve pas dans toutes les cavités. Des fresques qui racontent des histoires et qui allument l'imaginaire des hommes et des femmes qui les regardent aujourd'hui. Ici, la préhistorienne Dominique Baffier. Ici, il nous raconte des histoires. La bouche ouverte nous suggère le hennissement de l'animal, c'est-à-dire que ces représentations, pour nous, deviennent sonores. Vous voyez, les deux rhinocéros, là, sont en lutte. Et quand on les observe, on voit tous les signes de l'énervement des uns et des autres, le mouvement par leurs pattes qui sont projetées vers l'avant. Et on entend presque le son des cornes qui s'entrechoquent dans le mouvement de la lutte. Ici, vous avez une autre histoire, c'est l'histoire de Lyon, un félin qui fait la cour à une femelle qui n'est pas prête à l'accepter et qui grogne. Regardez, on peut entendre la femelle, elle lève ses babines, elle montre les dents, elle n'est pas contente. Extrait de la grotte des rêves perdus de Werner Herzog, donc cette préhistorienne Dominique Baffier. Vous aussi, Jean-Michel Genestre, vous les entendez, vous les voyez vivre, ces animaux représentés sur les parois des grottes ? Lorsqu'il y en a une telle densité, comme à la grotte Chauvet, lorsqu'ils sont décrits avec un tel luxe de détails graphiques, notamment dans les portraits parce que ce sont des portraits que sont les têtes des lions ou les têtes des chevaux, on est très proche de ces animaux et en même temps, on perçoit bien la volonté qui a été derrière de donner un extraordinaire réalisme avec une grande précision anatomique à ces animaux. Effectivement, on n'est pas loin de les entendre et du son. Je pense que Bataille a dit à Lascaux qu'il entendait le roulement des sabots des chevaux dans la rotonde. Effectivement, c'est de cela dont il s'agit. Il y a une telle présence, et surtout dans ces grottes et dans ces sites qui sont extrêmement bien conservés à l'humidité, loin de la lumière, on ne sait pas s'ils ont été faits hier ou il y a 30 000 ans. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les parois d'argile sont encore humides, comme si le doigt était passé la veille. La conservation de ces sites est quasiment miraculeuse, oui, sur le plan climatique, puisque c'est pour cela qu'on ne doit rien changer. Elles sont toujours humides, elles sont fraîches. Si on touche les parois, on enlève la couleur, effectivement, on enlève de la matière. Oui. Ça paraît incroyable. Alors cette grotte est étudiée depuis 1994, mais elle est loin d'avoir livré tous ses secrets. Il y a des représentations compliquées à analyser. Un exemple ici avec Carole Fritz, l'actuelle directrice de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Grâce à l'utilisation d'une perche, on a pu prendre en photo le pendant qui est là, puisqu'en fait, on ne l'a pas de face et on ne peut pas les deux faces marcher sur le sol. Donc, grâce à une perche, on a obtenu une vue de face de ce pendant. Et en fait, on a découvert, c'est qu'en fait, on a un sexe féminin avec les deux jambes pointues, associé donc à ce bison ici, un autre lion, et derrière qu'on voit un peu moins un mammouth avec la trompe qui descend là. Donc en fait, on a le corps de la femme, et certainement ce que ça représente dans toute la reproduction, hein, la reproduction de l'homme, des animaux, etc. C'est vraiment très symbolique, qui est tourné vers cette fresque où on voit justement les lions surgir, poursuivre les bisons. On voit bien qu'ici, on est face à certainement une prédation, une chasse. Donc la mort. Et en face de la mort, on a le bassin féminin qui va certainement représenter la vie et la naissance et la reproduction. Et moi, je pense vraiment qu'on nous raconte quelque chose de très symbolique, de très mythique. On se pose la question des statues des artistes, ce que nous, on appelle aujourd'hui des artistes, hein, dans ces sociétés, et on a du mal à y répondre, mais quand on voit ça, pour nous, c'est forcément des personnes importantes. On peut imaginer qu'il y a 36 000 ans, il y avait des hommes et des femmes spécialisés dans la réalisation de ces œuvres. Elles révèlent un véritable savoir-faire. Il y a 36 000 ans, il y avait des artistes chez Homo Sapiens, Jean-Michel Genest. On vient d'entendre Carole Friis faire à très juste titre cette remarque. Nous les appelons des artistes. Elle suggère par là que aujourd'hui, l'art est dévolu à des catégories de la société. Or, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on avait probablement à cette époque-là des individus qui disposaient de techniques particulières qu'ils avaient expérimentées et dans lesquelles ils excellaient. Mais en même temps, c'est que l'art soutenait une grande variété d'éléments importants de la société et s'exprimait à différents moments. Rituels, pratiques singulières, croyances. Et à ce titre-là, l'art était beaucoup plus commun et tenait un rôle sans doute aussi plus fort dans la société. Alors les plus belles peintures sont au fond de la grotte, elles étaient dans l'obscurité absolue, c'est-à-dire qu'une partie de l'entrée principale est aujourd'hui bouchée, il y a eu un éboulement. C'est exact. Mais oui. Si l'on reconstitue, les plus belles peintures sont dans l'obscurité absolue. Ce qui veut dire que ces hommes qui les ont regardées, qui les ont dessinées, ne les ont jamais vues comme nous les voyons à la lumière électrique, avec une lumière intense. C'était certainement dans la fumée, dans les flammes de leurs torches. Il faut s'imaginer effectivement quelque chose de complètement différent que des éclairages réguliers et diffus que nous avons. La lumière était déjà bien domestiquée. Il y avait la possibilité de faire des feux fixes, bien sûr. Dans la grotte Chauvet, on en a beaucoup de traces au sol, mais il y avait les éclairages portables, ainsi que les torches ou les lampes à graisse qui pouvaient être utilisées. Et là, à ce moment-là, il faut imaginer des lumières portatives, des systèmes d'éclairage qui ne diffusaient pas à plus de quelques mètres une lueur fluctuante et vacillante, mais on peut les multiplier selon le nombre des individus. Bref, on ne devait pas découvrir les fresques entières. Ouais. On devait les découvrir petit à petit, et à ce moment-là, les structures narratives qu'elles portent, et ces interactions entre les animaux, ces regards, ces jeux entre les thèmes qui sont figurés, devaient être découverts les uns après les autres, et on a probablement là la place et le temps du discours qui accompagnait le regard de ces œuvres, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des cultures de tradition orale. C'est-à-dire, on sait, ou en tout cas on se doute qu'il y a 36 000 ans, les hommes préhistoriques savaient parler et dans ces grottes, on se racontait des choses. Et ces œuvres ne sont que le reflet de l'ensemble des histoires et des discours qui tenaient la société, qui en était le fondement. Il nous manque effectivement ces mots d'expression, il nous manque la parole, mais la parole était acquise depuis déjà très longtemps, et il y avait certainement des structures d'histoire qui se répétaient et qui étaient suffisamment singulières pour avoir des règles elles-mêmes, comme il y a des règles très précises dans les conventions graphiques de ces œuvres. Ouais. Impossible d'accéder à ces hypothétiques cérémonies, des chants rituels certainement, qui se sont peut-être déroulés ici. C'est très immatériel, c'est une quête de l'impossible, accéder à l'invisible. Pour vous, le préhistorien, c'est frustrant ou c'est un délicieux vertige que cet inaccessible passé que vous caressez avec quelques hypothèses? C'est extrêmement prenant parce que c'est cette tension dont je vous parle, c'est ce frémissement qu'il y a toujours entre le scientifique que nous sommes et la recherche d'éléments objectifs pour soutenir des démonstrations et en même temps l'intense émotion et le pressentiment que nous sommes face à des êtres, à des sociétés qui ont la même puissance, diversité culturelle et richesse que nous-mêmes. Et là, il n'y a aucune différence. Ce sont vraiment des humains comme nous et ils mettent en scène et des humains et des non-humains dans un espace très particulier. Reste-t-il des grottes ornées à découvrir dans les sous-sols de France? Vous allez nous le dire, Jean-Michel Jeunesse, dans la suite de cette émission. Et puis nous ferons un détour par l'Australie où vous avez été invité par les aborigènes à examiner les peintures des grottes ornées de leurs ancêtres. Ça a donné lieu à des rencontres très fortes. Vous allez nous le raconter dans un instant. On ne voit pas à deux pas devant soi, quelle épouvante! Ah, bah c'est une grotte, quoi, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus éclairé. C'était Kat de Roseau et Blic Bassi sur France Inter. France Inter, du vent dans les synapses. Mes ancêtres ont vécu ici. Mon arrière-arrière-grand-père, ma grand-mère, mon grand-oncle et tous les membres de ma famille sont présents pour toujours à Nawarla Gabarnmang. Ici, on a un gros barramundi. Au-dessus, c'est une dorade. Et un autre petit poisson, là. Là, je vois un crocodile. Celui-ci, c'est un grand kangourou qui va jusque-là. Vous voyez sa queue qui fait le tour ici. Et là, sa tête et ses oreilles. Des crocodiles, des kangourous dessinés sur les parois d'une grotte. Pas de doute, nous avons changé de continent. Nous sommes en Australie et c'est une aborigène, Margaret Catherine, qui décrivait cette grotte. Elle est décédée l'an dernier. Cette femme, notre invité, le préhistorien spécialiste des grottes ornées, Jean-Michel Geneste, la connaissait bien. Comment l'aviez-vous rencontrée, Jean-Michel Geneste? Margaret Catherine appartenait à une tribu Jawoyne du nord-est de l'Australie, en terre d'Arnhem, et avait manifesté, ainsi qu'une partie des membres de sa tribu, du souhait de voir des archéologues. Et elle m'avait contacté à l'époque en tant que conservateur de la grotte de Lascaux, imaginant que, étudiant la rupestre, ayant vu un reportage ou en ayant entendu parler, nous pourrions lui apporter des connaissances sur son passé. Elle regrettait infiniment que son passé ne soit pas étudié, et notamment les images de son passé, et que les enfants de sa tribu ne puissent pas bénéficier d'un savoir sur le passé de sa société, tel que nous en avons, nous, en Europe. Et comment s'est passée la rencontre, alors, quand vous êtes rendu en Australie? La rencontre a été très spontanée et directe. On a marché un peu dans la savane et on a découvert l'abri, qui est un abri sous roche, avec comme une grotte profonde, extrêmement ornée. Et Margaret a commencé une longue diatribe, criée et chantée à l'égard des esprits qui vivent dans ces lieux, qui vivent dans la grotte, en leur disant, en gros, de nous accueillir de manière favorable. Elle s'adressait à tous ces anciens. Et elle était dans l'expression d'une conception du monde totémique. Mmh. Et là, à partir de là, nous avons pu rentrer dans la grotte. Et comme elle a vu que nous regardions avec attention ce qu'il y avait sur le sol, un archéologue ne peut pas s'empêcher d'être archéologue. Et très rapidement, quand je lui ai dit, et si un jour, pour écrire cette histoire, nous devions fouiller, où est-ce qu'on pourrait fouiller ici? Et elle nous a indiqué l'endroit où elle avait dormi enfant et où nous pourrions travailler. Et c'est là que nous avons travaillé. En Australie, on vous a surnommé l'homme qui fait parler les pierres. Manifestement, Margaret Catherine appréciait l'échange qu'elle avait avec vous, les préhistoriens. Ces gens sont magiques. Ils voient à travers la pierre et la poussière. Pour moi, mes grands-parents sont là. Regardez cette main. Là, c'est peut-être celle de mon arrière-arrière-grand-père. Dans notre culture, on considère que les ancêtres sont toujours là. Ils restent pour veiller sur le pays. Ce fragment était fixé à une hache en pierre. Oui. Vous savez que le manche était en bois? Oui, en bois. Il était fixé avec de la cire d'abeille. De la cire? Oui, ça collait bien. Et on les renforçait avec de l'écorce d'eucalyptus pour détacher le miel et découper les os de kangourou. C'était très utile. Oui, c'est ce que m'a dit mon grand-père. Alors là, c'est intéressant, Jean-Michel Geneste, parce que Margaret Catherine vous donnait des indications sur des pièces archéologiques que vous retrouviez dans le sol. Ça veut dire qu'on lui avait raconté comment on les utilisait? Ça veut dire qu'elle s'en souvenait, elle les avait vues utilisées? C'est une situation qui est très délicate et qui montre les limites de notre travail, de nos capacités interprétatives. Les options sont que soit Margaret racontait quelque chose qu'elle avait entendu dire, soit aussi et très probablement qu'elle a la capacité, vivant dans une conception du temps qui n'est pas du tout le nôtre, où il y a un continuum entre le passé, le présent et l'avenir, où elle parle aussi bien de son père, de son grand-père, ou d'esprits passés plus anciens ou animaux. Elle les fait parler, elle leur donne vie. À un moment donné, lorsqu'on lui présente un objet, elle n'a aucun problème à vous raconter et dire « j'entends ». la voix de mes ancêtres. C'est un peu déstabilisant quand même, quand on a une approche cartésienne et scientifique, comme vous l'avez en tant que scientifique occidental. C'est exactement déstabilisant, mais en même temps, c'est pour exactement appréhender ces différences que j'étais sur ce terrain. Il est important, à la quête du passé, d'avoir des éléments d'interprétation qui ne relèvent pas de l'imaginaire simple. L'ethnologie contemporaine ou la recherche archéologique sur des terrains très documentés avec des personnes comme elle, ou il y a beaucoup d'autres contextes, nous montre les possibilités culturelles, les différences qu'il y a entre des groupes culturels et les différentes possibilités d'interprétation. Ce sont juste des possibles. Ouais. Alors vous avez énormément voyagé, hein, Jean-Michel Genest, pas seulement en Australie, hein, vous êtes allé en Sibérie, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Colombie-Britannique, au Canada. Qu'est-ce que vous retenez de tous ces voyages? Est-ce que, en voyant ces peintures rupestres, ces grottes ornées aux quatre coins du monde, vous avez identifié une part d'universel dans ces hommes et ces femmes qui n'ont pas vécu aux mêmes époques, pas aux mêmes endroits, mais qui ont plaqué leur culture sur les murs? Il y a dans le comportement de marquage et d'expression sur les parois minérales du monde qui est l'art rupestre, il y a effectivement, et vous avez sorti le mot de la bouche, un comportement universel. Beaucoup de cultures ont eu besoin, et que ce soit des chasseurs-cueilleurs, des villageois, des animistes ou des totémistes qui font cela dans un grand nombre de cultures. Et travaillant sur cela, je vais vraiment à la recherche de ces différences, de grande subtilité, notamment pour mon propre savoir, mais pour les partager. C'est fondamental pour moi. Oui, d'ailleurs, vous avez partagé à tel point que vous avez fait visiter Lascaux à une époque où on pouvait encore la visiter à des aborigènes, à vos amis aborigènes. Comment s'est passée la visite? C'est une expérience dont on a aussi du mal à traiter et à parler objectivement, parce que sur le plan rationnel, rien n'a été rationnel. Au-delà des réserves logiques, naturelles qu'ils avaient, la peur qu'ils avaient à pénétrer dans une grotte qui appartenait aux esprits de mon groupe, aux ancêtres de mon groupe, et qu'ils ne connaissaient pas. Donc il a fallu d'abord les rassurer, puis après, une fois rentrés dans la salle des taureaux et dans les diverses galeries de Lascaux, les couleurs leur ont semblé familières, il y a beaucoup de signes abstraits dont ils ont proposé une interprétation, et en fin de compte, ils ont substitué à une structure narrative probable qui a été enregistrée il y a 20 ou 22 000 ans à Lascaux, un récit, une histoire, une mythologie de la région du Kimberley avec des émeus et des crocodiles, et qui n'avait bien entendu rien à voir avec les chevaux ou autres, mais ils s'y sentaient à l'aise, n'ayant aucun problème avec la situation dans le temps et dans l'espace. Reste-t-il, à votre avis, hein, c'est effectivement un sentiment que je vous demande, en France, des grottes de l'importance de Lascaux, de Chauvet, de Cussac, dont nous avons parlé, encore enfouies quelque part dans le sous-sol à découvrir? Compte tenu du grand nombre de personnes qui ont vécu dans ces sociétés du paléolithique, il y a certainement eu un grand nombre de sites d'art rupestre et de grottes. Nous n'en avons découvert que quelques-unes, mais aussi un grand nombre ont été altérés du fait de la conservation. Comme les dernières que l'on découvre sont dans des contextes extrêmement variés, et ce sont des spéléologues qui les découvrent, je pense qu'on va encore en découvrir pendant un certain temps et régulièrement, et certainement de magnifiques aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas une lueur d'espoir. Titre de votre livre « Si loin, si près, pour en finir avec la préhistoire » paru chez Flammarion. C'est une discussion avec votre collègue Boris Valentin. En finir avec la préhistoire, un mot sur ce titre. C'est justement cette frontière entre préhistoire et histoire que vous voulez abolir. Il y a un continuum. Pour faire simple, c'est vraiment un continuum. Donc, séparer l'histoire de la préhistoire ou la découper en tranches, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas forcément nécessaire. Ici, la préhistoire, c'est avant l'écriture, par exemple. Imaginez toutes les populations que l'on rencontre qui n'ont pas eu d'écriture, elles seront encore dans la préhistoire ou elles n'en ont pas eu. Non, c'est pas forcément utile, même si c'est pratique. Voilà. Je suis vraiment pour cette immense altérité entre les populations de jadis et d'aujourd'hui et d'ailleurs. Merci Jean-Michel Genest. Dans un instant, c'est à un autre genre de dessin que nous allons nous intéresser, ceux de Marion Montaigne, dont le cinquième tome de la bande dessinée « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même » vient de sortir. Nous allons en parler avec elle dans la suite de cette émission. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre de velours, ça part. Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et sereine, où fais-tu juste la guerre. Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, seul, seul, je veux être seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Seul. C'était Dilemme, chanté par Lou and the Yakuza. La programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez. France Inter. Du vent dans les synapses. Tu dois les prix Nobel et les savants. Qui ferait très bien voyager dans le temps. Arbore sa pilosité, supplicale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Qui contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof. Cher professeur. Professeur. Pourquoi professeur. Cher professeur. Professeur. Vous qui êtes si instruit. Cher teacher. Bonjour prof, c'est Jean-Luc. Hi prof. Salut prof. Cher prof. Cela fait maintenant plus de 10 ans que le professeur Moustache s'attache à répondre aux questions de lecteurs avec autant de rigueur scientifique que d'humour. Bonjour Marion Montaigne. Bonjour. Le professeur Moustache, c'est le personnage central de votre bande dessinée Tu mourras moins bête mais tu mourras quand même, dont le 5e tome vient de sortir aux éditions Delcourt et qui existe aussi maintenant en dessin animé. C'est pour ça on avait le petit générique. Oui, tout à fait, ouais. Parce que maintenant sur Arte, on a le droit au professeur Moustache en dessin animé. Alors c'est un peu votre double, ce professeur Moustache. Bah oui, on va pas se mentir. Hein. C'est ouais. Ma version moustachue, poilue et un peu direct, franc du collier. Oui, c'est ça. Alors, quel est le genre de question qui intéresse le professeur Moustache? Ce qui intéresse le prof, c'est ce qui est un peu tordu et surtout ce qui va impliquer des réponses qui vont vraiment étonner. On va un peu plus loin que le ciel est bleu ou des choses comme ça. On va vraiment se poser des questions qu'on se pose en allant au cinéma. Combien de calories doit manger Godzilla pour survivre ou des choses comme ça. Ah oui, il y a un goût pour les questions loufoques. Et même quand les questions sont pas loufoques, la réponse de toute façon le devient. Alors là, parmi les questions justement inspirées alors là de séries, le corbeau peut-il remplacer le pigeon voyageur comme dans Game of Thrones? Bah oui, bah je me suis posé la question juste en regardant la série, hormis le fait qu'ils sont un peu plus badass que les pigeons de ville. Mais c'est drôle parce que j'avais aussi une éthologue qui travaillait sur les oiseaux sous la main, que j'avais rencontrée lors d'une visite d'un labo, et là je lui demandais si on pouvait utiliser les corbeaux. J'aime bien les chercheurs, ils se mettent à vraiment réfléchir, ils disent ah oui, bah alors attends, de ce qu'on sait. Donc en fait, oui, ils sont assez intelligents pour le faire. Le problème, c'est qu'ils sont assez carnivores. Donc dans cette série, comme il y a beaucoup de cadavres, ils risquent de beaucoup s'arrêter en chemin. Alors que le pigeon, lui, il vit d'amour et d'eau fraîche, donc il va tout faire pour rejoindre son pigeonnier. Ouais. Mais j'aime bien quand ils leur posaient des questions et avec leur savoir, ce qu'ils savent, ils essayent d'y répondre sérieusement. Avec un vrai raisonnement scientifique. Et puis à l'occasion, on apprend effectivement que pour qu'un pigeon se déplace d'un point A à un point B, il faut qu'on ait créé un couple et que sa belle l'attende à l'autre bout. Ou inversement. Je sais pas si. C'est vrai, vous avez raison. Je crois que les deux. J'ai une vision très cliché du pigeon, vous avez raison de le reprendre. Non, ils sont, on exploite leur fidélité, en fait. On les sépare, en fait, on les laisse s'installer, on emmène un au nord si on veut qu'il aille, s'ils sont pigeonniers au sud, et là, on envoie, on le lâche de n'importe où et il retrouve son chemin. C'est ça qui est incroyable. Donc, il faut énormément de pigeonniers, pour recevoir beaucoup de mails, en fait. Mais, et donc, à partir de quand la chercheuse m'a répondu ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres oiseaux qui sont assez fidèles pour faire ça? Alors, elle m'a dit, le cygne est assez fidèle, mais il est ingérable. Ouais, il est agressif, hein, vous dites. C'est énorme, ça s'arrête tout le temps, tous les points d'eau, puis c'est méchant. Donc, ça ne marcherait pas. Le cygne voyageur, on a essayé, mais on a eu des problèmes. Voilà. Vous avez quelques sujets de prédilection hein, quand même, l'intelligence artificielle, les technologies, il y a aussi la mécanique humaine, hein, le corps humain, ouais. Avec une préférence pour tous les sujets en dessous de la ceinture, hein, de oui, préférence. Bah oui, il faut y aller. Oui, alors voilà, alors là, dans ce nouveau tome, hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore, le tome 5 de Tu mourras moins bête, on a comment ça marche l'érection d'un pénis, et c'est fichu comment le clitoris. Oui, en fait, il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie Roche, elle a fait tout un livre là-dessus, et donc c'est fou, elle expliquait, mais vraiment de manière très mécanique, l'érection masculine qui est assez complexe en fait, c'est un système mécanique de fluide, voilà je vous raconte pas tout, ouais. Mais après quelqu'un m'a dit mais l'érection c'est pas que chez l'homme et en effet j'ai dû faire la femme et c'est incroyable parce que on s'est vraiment penché sérieusement sur l'anatomie au niveau du clitoris qu'en 98 on a eu l'idée de mettre une femme dans un IRM au lieu de disséquer et là on s'est rendu compte que c'était un organe assez grand qui est en forme de papillon et qui est même mobile, on peut voir des vidéos sur je vous encourage à taper ce que vous voulez, mais on voit des vidéos sous IRM, c'est un peu impressionnant. Ouais. Et puis, on a les dessins oui, aussi, voilà, hein, dans votre bande dessinée, c'est aussi très explicite. Et puis, alors, parmi les sujets aussi que vous affectionnez tout particulièrement, il y a les animaux et les petites bêtes. Alors, les insectes, vous y revenez, dès que vous pouvez, vous y revenez. Toujours, quand vous avez des éthologues sous la main, c'est toujours très intéressant. En plus, c'est toujours une manière aussi déviée de parler des humains, en fait, puisque nous, on a toujours dans notre culture l'idée que les abeilles travaillent énormément, les fourmis travaillent énormément, mais en fait, les chercheurs ne savaient pas comment vérifier qu'un insecte dort parce qu'il n'a pas de paupières, il bouge plus ou moins, des fois il s'arrête, mais on ne sait pas s'il est en sommeil paradoxal, on ne sait pas, ou juste s'il s'est arrêté. Il y en a qui ont essayé de mesurer ça, mais faire un électroencéphalogramme à un insecte, ce n'est pas évident. Donc, des Allemands se sont amusés à réveiller, à secouer tout le temps une abeille, toute la journée, ouais. En fait. Et ils se impossible sont... pour elle de dormir. Il ne la laissait pas se reposer, ouais. Et à la fin, elle s'effondrait, vraiment en se tenant les pattes sur le côté, et ils se sont dit, ils doivent dormir. Et en fait, c'est terrible. Et ils se sont rendu compte que oui, les reines font beaucoup de siestes. La reine, plus elle a d'ouvrières, plus elle dort. En fait, elle dort à peu près 8 heures. Alors ça, c'était même chez les fourmis, hein, je crois. Les fourmis font beaucoup de siestes, ouais. Mais pas au même moment et pas de la même façon. Mais elles dorment plusieurs heures. Et il y a une partie de la fourmilière qui ne fait rien. Il y a la bonne moitié qui fait pas grand chose en fait. Ouais. Donc on projette sur les animaux ce qu'on aimerait que les humains fassent par mimétisme. Ouais. Alors c'est très drôle, hein, un peu potache, les dessins très expressifs, avec parfois des questions là. On a abordé les plus attrayantes, mais il y en a certaines qui sont sérieuses. Hein. Comment se passe un congrès de biomécanique? Qu'est-ce que ce nom barbare de CRISPR-Cas9? La question est très sérieuse, mais là, la réponse est à la Marion Montaigne. Et sublime. Théâtral. Non, mais le truc, c'est que en fait, à la base, c'est un blog, et moi, mon obsession, c'est comment je vais intéresser quelqu'un, je sais qu'il se connecte après ses mails au bureau à 10h, parce que j'ai les statistiques. Ouais. Et donc, il fallait que je voulais parler de cet outil génétique qui, moi-même, me faisait peur. Et donc, moi, mon but, c'est vraiment de dire, même si ça fait peur, si c'est intimidant, en plus, la génétique, je suis pas très douée, on peut comprendre avec des images, de manière imagée, mais c'est hyper intéressant, et en plus, c'est super important, parce que actuellement, on va beaucoup en entendre parler de CRISPR-Cas9, c'est en train de révolutionner la génétique, donc si après, le lecteur, après avoir vu ça, il est moins intimidé pour lire des articles, parce qu'il y en a beaucoup, bah, c'est très bien, je suis super contente. Ouais. Et vous, vous vous renseignez, déjà, vous enquêtez auprès des chercheurs, vous citez toutes vos sources à la fin de la bande dessinée, c'est drôle, mais c'est sourcé et sérieusement fait. Et encore, il n'y en a qu'une petite partie parce que j'avais plus de pages. Mais j'aime beaucoup me documenter, j'aime bien faire mes petites enquêtes. Et puis j'aime bien en parler avec les chercheurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les chercheurs, de vos travaux? Ceux qui n'aiment pas, j'en entends pas trop parler. Non, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont compris qu'il fallait accepter de simplifier pour expliquer. Simplifier, c'est pas mentir, c'est juste donner accès à des gens au premier échelon, puis après, s'ils peuvent aller voir des articles un peu plus corsés, puis je leur donne des livres, etc. Il faut pas tout de suite viser le niveau universitaire, parce que sinon on comprend rien du tout, mais juste donner des éléments pour être curieux, et puis parce que de plus en plus, la science est dans nos vies, la technologie, la génétique, et on est